France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Se recueillir au Mont Valérien ou gagner Carmo pour évoquer Jaurès, les premiers gestes accomplis au lendemain d'une élection présidentielle par le nouveau locataire de l'Élysée en disent souvent long sur son souci d'image, sur les signaux qu'il choisit comme premier symbole. Emmanuel Laurentin consacrait à tous ses premiers gestes lourds de sens une émission dans le cadre de sa série « Prendre le pouvoir ». C'était dans la Fabrique de l'Histoire, le 16 mai 2007. Troisième temps de notre semaine sur l'histoire donc du départ et de l'arrivée au pouvoir. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux premiers gestes accomplis sous la République par des présidents tout juste élus. Comment ces nouveaux chefs de l'État ont utilisé les premières semaines de leur septennat et désormais de leur quinquennat, et comment ont-ils occupé ce temps pour pouvoir montrer justement aux Français ce qu'ils allaient faire, quels gestes ont-ils choisi de faire? Qu'ont-ils choisi aussi de dire? Ça sera le thème de notre émission de ce matin dans la Fabrique de l'Histoire avec trois invités. Patrick Garcia, professeur à l'IUFM de Versailles qui travaille sur la symbolique républicaine, avec Olivier Hill, directeur de l'Institut d'études politiques de Grenoble qui sera en duplex avec nous depuis Grenoble et qui lui aussi travaille sur cette question de symbolique républicaine depuis la Troisième République, et avec Nicolas Mario qui est chercheur au CNRS et auteur récent chez Belin des Bains de foule. C'est un travail universitaire qu'il a accompli, son travail de thèse, qu'il a accompli sur les voyages présidentiels en province depuis Sadi Carnot jusqu'au dernier président en date, à savoir Jacques Chirac. Et nous ferons tout cela en compagnie de Perrine Kervran. Et pour commencer cette discussion et en l'absence de notre générique, commençons donc avec une archive de 1954. On a appris ce matin que Nicolas Sarkozy, dans sa journée, allait trouver un petit moment pour se rendre dans les Hauts-de-Seine, rendre hommage à 35 jeunes résistants fusillé juste avant la libération de Paris. Eh bien, René Coty, en 1954, le 16 janvier, était au Mont Valérien. Simple cérémonie aujourd'hui, un détachement militaire rend les honneurs, une clique qui actuellement sonne au champ. Le président René Coty se dirige lentement vers la butte des fusillés. Il a à sa droite M. Mutter, ministre des Anciens Combattants. Le président René Coty dépose la magnifique couronne d'œillets rouge et rose. Et c'est la sonnerie au mort. Respecter une minute de silence. Le président René Coty, maintenant, écoute les détails certainement très émouvants que lui donne monsieur le ministre des Anciens Combattants et Victimes de la Guerre. Monsieur le président de la République s'entretient également avec le général Ganneval. Poignant silence et triste cérémonie. Par le sentier forestier, le président René Coty va maintenant se diriger vers la crypte en empruntant la route intérieure du fort. Crypte où reposent les corps des 15 résistants et combattants tombés au cours de la dernière guerre. Seul Monsieur René Coty y pénétrera pour déposer une gerbe. Le poilu de 1914, en rendant hommage aux morts des deux guerres, vient de commencer son septennat. Voilà donc une archive choisie pour nous dans les archives de l'INA par Jeannette Pazierkowski. Voilà pour commencer cette émission donc autour des premiers gestes accomplis par les présidents de la République. Rappelons que c'était en janvier puisque à cette époque, toutes les changements de président se passaient justement en janvier. C'était sous la 4e République, c'était le président René Coty, le poilu, qui rendait hommage aux morts de la résistance. Bonjour Nicolas Mariot. Bonjour. J'allais commencer presque cette émission en vous disant, de compte fait, il va y avoir un problème par rapport à votre travail sur les voyages présidentiels en province, c'est que Nicolas Sarkozy ne pourra pas faire comme tous les présidents, à l'exception, je crois, de Mitterrand, dites-vous dans un article que vous avez écrit sur ce thème, et de Gaulle. Donc tous les présidents de la République, dès qu'ils arrivent au pouvoir, font un petit voyage dans leur circonscription, l'endroit où ils ont commencé leur carrière politique. Et j'allais vous dire, ça ne va pas être possible pour Nicolas Sarkozy. Eh bien, si, c'est possible, puisque cet après-midi, il se rend justement du côté des Hauts-de-Seine pour rendre hommage, comme le faisait René Coty, à ses jeunes résistants. Donc, dans sa journée présidentielle, journée courte, puisqu'il s'en va dès ce soir en Allemagne, eh bien, il a trouvé le temps d'aller sur ses terres d'élection, pourrait-on dire. Exactement, oui, c'est très frappant de constater que Sarkozy essaye, depuis la campagne d'ailleurs, de territorialiser son action, de s'ancrer, y compris dans la province française et dans des hauts lieux qui tendent à solenniser, comme on l'a vu, l'action du chef de l'État, ce qu'il a déjà fait en allant au plateau des Glières. Absolument, juste avant il l'élection. Essaye de s'inventer une sorte de rituel, son solutrer à lui peut-être, et puis là, il va effectivement dans son propre département, dans les Hauts-de-Seine, effectivement également solenniser son action. Je pense que c'est tout à fait essentiel et en ce sens-là, il répète ce que faisaient tous ses prédécesseurs sans exception. Ils allaient dire adieu à leur circonscription ou à leur terre natale, ou les deux, c'est le plus souvent, un ancrage provincial qui était aussi ensuite la terre qu'ils avaient labourée électoralement et dont ils se séparaient pour dire je serai dorénavant le président de tous les Français et donc plus celui juste l'élu d'un parti ou d'une circonscription seulement. C'est exactement ce que fait Nicolas Sarkozy en ce sens-là. Il ne départ absolument pas des autres chefs de l'État qui l'ont précédé. Une sorte de mue de celui qui, donc, a, comme vous le disiez, a labouré un terrain électoralement et qui dit « Je veux vous rendre hommage, c'est grâce à vous que je suis arrivé là où j'en suis, mais désormais, vous ne pouvez plus compter sur moi, sinon pour pouvoir venir inaugurer, on en parlera peut-être plus tard, des bâtiments publics et ouvrir des autoroutes ou faire quelques gestes économiques en faveur de ce territoire-là, mais vous ne pouvez plus compter sur moi, je suis désormais le président de tous les Français, Nicolas Mariot. » Oui, exactement. Et ce qui est étonnant, c'est de la même façon ce qu'a essayé de faire Nicolas Sarkozy, c'est déjà de dire « je ne ferai pas comme les autres présidents, je vais aller plus souvent en province, je vais aller voir les Français directement et je vais rompre avec le protocole ». Et ce qui est étonnant, c'est ce que font tous ses prédécesseurs, là encore. On se souvient de Jacques Chirac qui s'arrêtait au feu rouge, de François Mitterrand. Ils ont tous dit « je serai moins guindé ». Que mes prédécesseurs, et je saurai me rapprocher du peuple. Et de Valéry Giscard d'Estaing qui arrive à pied à l'Élysée après avoir conduit soi-même sa voiture. Donc on voit bien effectivement qu'il y a comme un rituel à l'intérieur même du rituel républicain. Olivier Hill, bonjour, vous êtes avec nous en duplex depuis Grenoble. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, lorsqu'on reprend comme cela ces premiers instants des présidents de la République, lorsqu'on les remet dans la longue durée depuis la Troisième République, quelles sont les grandes tendances ou les grandes lignes qui peuvent déterminer justement ce que doit faire ou ce que veut faire justement à l'instar de ce que vient de dire Nicolas Mariot, un président lorsqu'il arrive au pouvoir? Arriver au pouvoir, c'est affronter un défi. C'est pour chaque impétrant montrer qu'il est capable d'habiter l'institution qui se met à l'habiter, si je peux me permettre cette expression. Donc la fonction est grande, le costume est large, il faut prouver dans les semaines qui suivent l'investiture que l'on est capable de le porter, qu'on est capable d'assumer cette fonction, en un mot que l'on est capable de poser son style. Alors c'est évidemment du coup un exercice dramaturgique. Il faut donner des signes, se draper, adopter des postures. On en a évoqué quelques-unes, venir à pied à l'Élysée, évoquer les simples gens pour Valéry Giscard d'Estaing, promettre que l'on va rompre avec le protocole. C'est une manière de dire que l'on va faire entrer de la nouveauté dans une institution très ancienne. Tous les présidents de la 3e, de la 4e ou de la 5e République ont sacrifié à cette obligation évidemment, en discours. Dans les actes, ce fut plus difficile car l'institution est pesante. On pense à Sadi Carnot qui, après son élection en décembre 87, essaye d'imposer le style de l'ingénieur des ponts et chaussées qu'il était en apparaissant comme un homme de consultation, un homme de dossier. Alors il écoute, il invite, il reçoit. Évidemment, cette promesse tiendra quelques semaines seulement. On pense à Poincaré, hein, qui, en 1916, invite le futur tigre Clémenceau à donner un tournant, hein, à la Première Guerre mondiale. Et là aussi, il va essayer de montrer qu'il est capable de prendre des distances avec la pesanteur de l'institution. Tous ces présidents se sont soumis à cette règle. Évidemment, au fil du temps, les institutions reprennent droit et reprennent force, et il a fallu souvent déchanter. Alors, ces institutions, d'ailleurs, ont besoin d'exister, elles ont besoin de se montrer. Patrick Garcia, bonjour. Vous avez vous-même travaillé sur les rituels d'installation des présidents de la République depuis 1947 jusqu'à 1974, pour un article apparaître bientôt dans un ouvrage collectif. Et en travaillant sur ces rituels d'installation, vous apercevez que lorsqu'il n'y a pas vraiment de rituel, eh bien, on est obligé plus ou moins d'en remettre, d'en refaire, de se réinscrire, parce que simplement on est déçu, c'est le cas de Vincent Thoriol, on est déçu en 1947 de ne pas avoir eu l'hommage que l'on devait avoir de la part du peuple de Paris, par exemple, et surtout d'une cérémonie un peu lâche où, eh bien, un matin on se retrouve à Versailles pour pouvoir se faire annoncer son élection, l'après-midi on se retrouve à l'Élysée pour pouvoir se faire remettre les insignes de Grand Croix de la Légion d'honneur. Et le lendemain, seulement, on se retrouve du côté de l'Arc de Triomphe. Et donc, tout cela, il faut un peu le ramasser. Et donc, Vincent Auriol passera son temps, pendant son septennat, à imaginer un vrai rituel qui reprenne, qui redonne une sorte de force à son successeur, qui sera le même René Coty qu'on a entendu à l'instant même, Patrick Garcia. Oui, bonjour. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la question... Il y a un grand défi dans ce moment d'entrée du président qui est qu'est-ce qu'on fait avec le rituel? Comment on fait qu'un rituel fasse événement? Et c'est assez compliqué. Alors, il y a effectivement la question de resserrer la scénographie, hein, c'est ce que vous venez de dire pour passage Auriol-Coty, hein, on ramène des choses, hein, unité de temps, hein, propre à la dramatique. Une journée et, plutôt que deux jours. Et bon, cette cérémonie, hein, qui vient redoubler à le moment du Mont-Valérien, qui doit donner de la solennité. Et on a entendu à quel point le journaliste accompagnait cette solennité d'une voix larmoyante, hein, qui était censée exprimer l'émotion extraordinaire que la France devait ressentir à ce moment-là. Il faut rappeler que la première radiodiffusion d'une cérémonie d'intronisation d'un chef de l'État, c'est un peu avant, c'est celle justement de Vincent Auriol. C'est la première fois où la radiodiffusion française donne à des auditeurs, donne à entendre, donc plus loin que simplement le cercle des proches, donne à entendre l'arrivée du président de la République. Absolument, et puis la question va se compliquer avec la télévision, c'est-à-dire comment on va pouvoir montrer. Et donc il faut faire événement. Comment on fait événement dans un rituel qui est codifié? Bon, on en connaît les éléments, on peut peut-être les rappeler. Hein. Le collier de Grand Croix de la Légion d'honneur que l'on porte puis que l'on montre. Le moment de rencontre entre les deux présidents, espèce de rite d'initiation, on transmet les secrets. Hein. Mais en fait, il ne se passe pas grand-chose et donc la question c'est comment on va accompagner ça, comment on va faire de l'image avec ça, et puis comment on va le redoubler. Alors, le Mont-Valérien, aujourd'hui le Bois de Boulogne, hier le Panthéon. Je dirais d'une certaine manière, François Mitterrand a fait le maximum, et depuis lors, c'est un peu difficile de retrouver un événement, de recréer un événement. Bah justement, François Mitterrand en 1981. Après l'Hôtel de Ville, la joie du Quartier Latin et cette marée humaine qui porte François Mitterrand vers le Panthéon, c'était l'heure de la fête, Pierre Gantz. La fête, oui, la fête du président de la République, mais aussi et d'abord celle de cette foule immense qui, dès 16h, a envahi les trottoirs boulevard Saint-Michel et rue Soufflot. Une foule gaie, rieuse, vivante intensément l'événement, où apparaissent des roses rouges, quelques drapeaux tricolores, ou encore une ou deux banderoles souhaitant une majorité PC-PS à l'Assemblée nationale. Les musiciens et les choristes de l'Orchestre de Paris, dirigés par Daniel Barenboim, attaque l'hymne à la joie, le final de la 9e symphonie de Beethoven, lorsque le président Mitterrand arrive au bas de la rue Soufflot. À pied, il remonte vers le Panthéon, entouré de personnalités du monde des sciences et suivi par cette marée humaine qui a rompu les cordons de police. François Mitterrand pénètre seul dans le Panthéon, où il se recueille devant les tombes de Jean Moulin, le socialisme, de Jean Jaurès, le socialisme, de Jean Moulin, la résistance, et de Victor Schœlcher, l'abolition de l'esclavage. Recueilli, grave, le président de la République dépose une rose sur chacun des trois mausolées. À sa sortie, il reste immobile sous la pluie qui s'est mise à tomber, tandis que la foule reprend en chœur la Marseillaise, puis éclate en applaudissements et en hurrahs, avant de déborder le service d'ordre pour tenter d'approcher son président de la République. Périne Kervran. Parce que finalement, ce qui est intéressant, Patrick Garcia aussi, c'est de voir à quel point chaque président a essayé d'ajouter quelque chose en marge de la figure imposée pour malgré tout personnaliser la cérémonie, personnaliser le début d'un régime. Oui, absolument. C'est-à-dire que c'est ce qu'évoquait Olivier Hill, c'est la question d'imprégner un style. Hein. Bon, je crois que celui qui a fait le plus fort de ce point de vue-là, c'est Valéry Giscard d'Estaing, puisqu'il a opéré une rupture avec la solennité pompidougolienne, hein, qui était extrêmement fort, petite musique de Lully, silence, hein, quand le général de Gaulle entre, les commentateurs disent qu'il y a le silence, quand on regarde les images d'ailleurs, c'est pas ce qu'on voit, mais l'important c'est qu'on le dise, hein, la cérémonie présentée comme un mystère, hein, un mystère que le commentateur accompagne. Mais je pense qu'il y aurait d'ailleurs quelque chose à faire sur le ton des commentateurs. Vous évoquez Léon Zitrone dans cet article que vous avez écrit, Patrick Garcia. On a évoqué le ton de celui qu'on a entendu à propos de René Coty. Il y a quelque chose aussi de la façon de transmettre par le commentateur qui tient. Marc Fumaroli évoquait cela dans l'émission qui précédait dans les matins. La République a hérité de l'État qui est forgé comme une église, disait-il, qui tient effectivement du cérémonial ecclésiastique avec un ton extrêmement doux, comme on peut l'entendre d'ailleurs lorsqu'il y a des retransmissions à la télévision ou à la radio de messe à Notre-Dame. Oui, tout à fait, c'est doux et exclamatoire, c'est les deux à la fois, mais bon, Nicolas connaît bien ce commentaire des voyages présidentiels, hein. On est dans cette connivence entre le commentateur, hein, qui va révéler, qui va montrer à quel point il y a quelque chose d'exceptionnel qui se passe. Nicolas Mario, puis Olivier Hill. Oui, non, je voulais juste ajouter un petit mot en disant ce qui est intéressant, je crois, dans la passation de pouvoir d'aujourd'hui, c'est le contraste extrêmement violent qui s'impose entre les dernières images qu'on a eues de Nicolas Sarkozy au Phuket sur son yacht, enfin sur le yacht de Vincent Bolloré, puis même, on l'a pas vu, mais on a su qu'il était allé au pavillon de la Lanterne avant même d'être entré en fonction, et cette cérémonie, on a vu, qui va être extrêmement solennelle et dans laquelle il doit endosser les habits du chef de l'État. Donc ce contraste-là, la dernière interview qu'on voit de lui, il est avec un t-shirt orange marqué New York Police, des Ray-Ban sur les yeux, il court, il fait son jogging, et je pense que c'est à la fois, ça va être à la fois difficile à gérer pour lui, et en même temps, c'est exactement le mode de fonctionnement du protocole, c'est-à-dire à la fois une rupture de la distance et une manière d'en remettre, de se raidir. C'est d'une certaine façon, Olivier Hill, c'est une bonne façon de montrer qu'à partir du moment où on est vraiment investi des pouvoirs du président de la République, on est un homme qui change complètement. Oui, qui change et en même temps qui a bien compris qu'il existe une force dans ses formes. Que la scénographie de l'État fournit un certain nombre de ressources pour l'élu des Français. Il faut être le représentant de la France, et très vite. Très vite pour pouvoir précisément imposer la déférence, c'est-à-dire l'obligation ou l'observance du respect. Le mot est fort, il a été présent dans la campagne. Le mot est d'actualité, après un certain nombre de manifestations d'étudiants en colère, ou de menaces, hein, sur des intentions qui ont été manifestées, hein, sur les régimes spéciaux par exemple, il faut prouver que l'on est capable de solliciter cette force, de la mettre en action pour l'exercice et dans l'exercice du pouvoir. Cette captation de forme, on l'a vu, passe aussi par la sollicitation de l'histoire, avec un grand H. Mmh. On a évoqué tout à l'heure l'aiglière ou le bois de Boulogne, il s'agit là évidemment de mobiliser un rite piaculaire, dirait Durkheim, c'est-à-dire fondé sur l'émotion du deuil, fondé sur la réactivation de la continuité ou de la filiation historique. C'est bien la France dont on parle ici, hein, plus des Français. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est de la France dont parlait Jacques Chirac hier soir. Complètement. C'est sur quoi il abandonne sa fonction. Hein. C'est le mot, finalement, qu'il prononce le dernier, hein, qui constitue en quelque sorte le passage de témoin. Cette réactivation des souvenirs, des grands souvenirs, hein, est l'occasion de montrer qu'on est à la hauteur de la fonction, de l'événement, et cela non pas pour répondre à en quelque sorte une exigence d'examen ou de concours, hein, scolaire, c'est parce que derrière cela se trouve ouverte la possibilité de mobiliser une force institutionnelle qui va être extrêmement précieuse pour affronter les défis proprement politiques qui attendent le chef de l'État. Oui, c'est une bonne question aussi que d'évoquer ce que vous disiez à l'instant même, Olivier Hill, à savoir ce bain dans le deuil. C'est quelque chose de très important. On n'y pense pas assez souvent, effectivement, que chaque chef de l'État doit à un moment ou à un autre faire un geste pour ceux qui sont morts pour la France. Complètement, et le mot de nation assimilé à celui de la famille le dit, il s'agit de réactiver des liens jusque-là invisibles, ceux qui sont supposés souder une communauté, forger un destin, accomplir des promesses qui sont faites au-delà des générations et qui sont en quelque sorte un héritage. Donc derrière cette scénographie, derrière ce drapé, ces postures, voire parfois même des coups de menton, on sent bien que se joue quelque chose d'essentiel pour l'exercice du pouvoir. Ce que j'évoquais à l'instant, la mobilisation d'une force. Pyrine Cavran. Mais ce qu'on voit bien aussi dans votre article, Patrick Garcia, c'est finalement à quel point c'est la télévision, assez rapidement, qui va donner corps à toute cette cérémonie et qui va finalement s'en faire le relais et qui est finalement un des acteurs principaux de la cérémonie. Oui, parce que à partir du moment où il y a l'image, la cérémonie va faire avec l'image et il s'agit de faire une image, l'image de Valéry Giscard d'Estaing arrivant à pied, Léon Zitron, le voyez-vous, hein, oui. Le voilà, bonjour comme sur le champ, président. Comme sur le champ de course. Puis évidemment l'image de François Mitterrand au Panthéon, ou l'image, ou la télé qui produit sa propre image, je veux dire, les caméramans qui suivent Jacques Chirac en 95. Hein, alors qu'il n'est pas encore président de la République. Qui est presque un pré-rituel. Effectivement, faut créer une image, et une image forte, et je crois que effectivement une des ressources de cette image, c'est quelque chose qui renvoie à l'histoire, hein, comme le disait Olivier Hill. Alors, Nicolas Mario, à propos de cette fabrication d'images, est-ce qu'on peut dire que les reporters, les télévisions, les radios qui suivent depuis maintenant une trentaine d'années, en tous les cas pour les télévisions, ces investitures des présidents de la République, font suite à cette presse écrite, à ces correspondants, à ces envoyés spéciaux permanents auprès de l'Élysée, qui étaient donc ceux que vous avez suivis depuis la Troisième République? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a cette proximité, cette connaissance de la cour, de ce qu'il y a autour du président, et puis en même temps cette nécessité, donc avec une certaine componction dans le ton, mais aussi cette nécessité de transmettre tout cela au-delà de ce petit cercle des gens qui sont proches du président. Oui, effectivement, c'est la mise en place dès le début du XXe siècle du groupe des accrédités à l'Élysée, hein, qui ont leur carte, qui peuvent y entrer extrêmement facilement et qui couvrent toutes les sorties publiques du chef de l'État, en province ou pas en province, hein, à Paris ou ailleurs. Et ce qui est extrêmement intéressant, je crois, du point de vue de la télévision, c'est qu'elle fonctionne de plus en plus souvent pour ce type de grande cérémonie en poule, c'est-à-dire qu'il y a un seul groupe de caméramans qui filme et qui retransmet les images pour toutes les chaînes. Donc ça donne une image de neutralité, mais en même temps, c'est une image qui correspond parfaitement à ce qu'attend, dans cette grande neutralité, le chef de l'État et son entourage. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, je crois. France Inter. Jacques Chirac est donc en terre corrézienne ce matin. Le président de la République, le soir même de l'élection, rappelait qu'avant toute décision, il fallait se poser la question « Est-ce bon pour l'emploi ?». Cette priorité, elle apparaît dans ce déplacement, le premier de Jacques Chirac en Corrèze depuis son arrivée à l'Élysée. Jacques Chirac qui participe comme tous les ans au baptême de la promotion de l'école d'application au métier des travaux publics d'Aigleton. Le discours du chef de l'État porte donc sur l'emploi des jeunes. Nous retrouvons Sylvie Johnson sur les déplacements du chef de l'État. La valorisation de l'enseignement professionnel représente un enjeu considérable. Il s'agit de concevoir un enseignement à part entière, que l'on choisit par vocation et non par défaut, et qui permette aux jeunes de franchir tous les échelons de la vie en entreprise jusqu'aux échelons les plus élevés. Pour y parvenir, il faut donner aux entreprises et à tous les acteurs de la vie économique, je pense notamment aux collectivités locales, aux métiers, si forts et si riches dans la tradition française, la place qui leur revient dans l'enseignement professionnel et dans la définition de ses objectifs. Voilà, premier voyage sur sa terre d'élection, Nicolas Mario, de Jacques Chirac. C'était en juin 1995 à Égletons, un de ces nombreux voyages que vous mentionnez, puisque vous avez travaillé sur ces retours en terre natale ou en terre d'adoption pour des élus qui sont devenus élus de la République, élus du peuple et devenus président de la République. Donc depuis la Troisième République, il retourne là-bas. Et qu'est-ce qu'il dit ? Parce que c'est toujours très intéressant de reprendre ces discours des présidents de la République quand ils retournent pour la première fois dans leur lieu d'élection. Il y a comme à la fois la déférence, mais aussi la méfiance vis-à-vis d'une sorte de trahison possible. C'est-à-dire, le peuple va peut-être penser que les dorures, les rituels, justement, qu'on a évoqués depuis le début de cette émission, vont changer le personnage. Le changer en mal, évidemment. Il va s'éloigner du peuple. Et toujours, les présidents disent, lorsqu'ils reviennent dans leur terre d'élection pour leur premier voyage, officieux ou officiel, non, je n'ai pas changé. Exactement. Non, je n'ai pas changé. C'est exactement la thématique. Hein. Ils tutoient les gens qu'ils rencontrent, qu'ils connaissent depuis longtemps. Ils sont en terre de familiarité. Et donc, ils viennent dire, je ne vais pas me laisser enfermer dans la tour d'ivoire parisienne. C'est Pompidou qui mange au lycée d'Albi, où il a fait ses études à la cantine du lycée d'Albi, pour bien montrer qu'il est encore un Français comme les autres. Et compte fait, on est un peu là de la selle de veau, de la selle d'agneau qu'on mange habituellement à l'Élysée. On peut manger aussi comme les autres Français à la cantine, c'est ça ? Voilà, exactement. C'est ce que fait Jacques Chirac avec une persévérance extraordinaire. Tous les ans, il retourne dire ses vœux aux Corréziens avec Bernadette, votre élu qui m'informe, dit-il, répète-t-il chaque année à ses concitoyens. Alors, ce sont des banalités presque tout le temps, mais il remercie et il tient un petit groupe. Il rappelle d'où il vient, la terre qu'il a faite, ce qu'il est. Et c'est exactement sur ce registre-là que fonctionnent les retours chez vous. Vous avez fait un florilège des 12 discours de vœux de Jacques Chirac de retour sur ses terres, donc en 96, 97 jusqu'à 2007. Bon, j'en prends quelques petits extraits. Je vois parmi vous bien des visages connus et amis, des visages associés à moi, bien des souvenirs. Vous le savez, la Corrèze à mes yeux est bien davantage que le département dont j'ai l'honneur d'avoir été l'élu du printemps 67 à 1995. La Corrèze, pour moi, c'est le berceau de tous mes ancêtres, les valeurs essentielles sans lesquelles je ne serais pas devenu moi-même. Ensuite, plus loin, il dit, vous savez, quelles que soient les circonstances, la Corrèze n'est jamais loin de mes pensées. En 2002, le rendez-vous de l'affection, de la fidélité, des souvenirs partagés qui nous rassemblent. Donc, il y a à chaque fois cette volonté de se reforger, de se remettre, de se ressourcer aussi pour le président qui pourrait être un peu corrompu par la politique, l'air de la capitale. Il pourrait y avoir un retour aux vraies sources de la vraie France, là où il a été élu. Cette thématique de la proximité, du besoin de terroir, en fait, de cultiver sa petite patrie, hein, celle où on a forgé des souvenirs, où on a construit sa culture politique, où on a construit sa profession, finalement son métier, hein, elle est constamment réitérée. C'est pas du tout une thématique neuve ou récente, c'est une thématique qui est en place depuis le début du XXe siècle et qui fonctionne extrêmement bien comme ça. Périne Cabran. Oui, parce que finalement, c'est aussi le paradoxe entre une fonction très solennelle, très républicaine, mais il faut aussi écarter ce qui pourrait avoir l'air d'être monarchique. C'est toujours cette espèce de tension entre le souvenir de la monarchie, la République, donc la simplicité, mais aussi le décorum. C'est ce que font les présidents, en particulier de la Ve République. Ils se rapprochent, le voyage ne sert plus qu'à ça, en fait, hein, la visite en province, parce que sinon, il peut s'adresser à tout le monde, avec la radio, la télévision. Absolument. Donc, il va juste se montrer proche, toucher les gens, véritablement. Patrick Garcia, puis Olivier. Patrick Garcia. Oui, parce que justement le rituel par lequel le président devient président est un rituel qui est marqué du sceau d'autres traditions. Hein. Si on prend le collier de Grand Croix, il rappelle quand même le collier de l'ordre, de commandeur de l'ordre de Saint-Louis, hein, qui est présent dans les rituels monarchiques depuis Henri III, si je ne m'abuse. Les 21 coups de canon qui retentissent, c'était les coups de canon qui retentissaient pour la naissance des enfants royaux, hein, des dauphins. Donc, il y a ça. Effectivement, la question, c'est... Quelquefois, on donne même congé aux enfants des écoles. On donnait congé aux enfants des écoles, mais bon, maintenant, la France va travailler, donc ce n'est pas d'actualité. Bon, mais ça fait déjà un certain moment. Absolument. Mais là, on est bien dans la reprise d'un certain nombre de formes qui sont les attributs du pouvoir, qui vont instituer le pouvoir, qui sont performatifs, et qu'on essaie effectivement de retravailler dans une forme républicaine, avec cet oxymore de la simplicité solennelle, qui est l'oxymore de la cérémonie républicaine. Mmh. Oui, ça c'est le point trop n'en faut, d'une certaine façon, Olivier Hill, de la cérémonie républicaine, parce que trop rappellerait justement la royauté, et donc rappellerait des heures qu'on ne veut pas rappeler, justement, dans ces moments d'accession des présidents de la République à leur fonction. Oui, et puis si l'homme politique est un acteur, comme le mot le dit, il lui faut bien jouer sa pièce, c'est-à-dire faire bonne figure. Et l'on sait qu'ici, c'est toujours le résultat d'une équation subtile entre spontanéité, simplicité et puis respect du script. La tension qui existe entre ce souci de proximité que l'on a mentionné et la nécessité de montrer que l'on est à la hauteur de la fonction, cette gravité, ce sens des responsabilités, cette solennité, n'est pas le propre du régime républicain. Mmh. On en retrouve trace, finalement, dans la plupart des régimes politiques, à des degrés évidemment divers. Pensons à ce qu'écrivent les historiens de la Rome antique, au fait que les empereurs aimaient à descendre dans les cirques, participer au jeu des gladiateurs, se montrer. Oui, on peut citer le cas aussi du roi de Jordanie, qui se grime pour pouvoir mieux comprendre son propre peuple et donc sortir justement de ces murs du palais qui l'emprisonnent. Il faut montrer que l'on est à la fois, pour reprendre les mots même de ces historiens, dans la gravitas, la solennité, la déférence, la hauteur institutionnelle, et en même temps dans la levitas, dans la proximité, dans la spontanéité, dans le rapport direct d'horizontalité, que l'on reste un homme, tout simplement, proche, pris dans des relations affectives, bref, que l'on est toujours celui que l'on a été. C'est aussi la nécessité de faire continuité de sa propre histoire. Et à ce titre, nous sommes tous engagés dans cet exercice. Nous essayons de faire en sorte que notre vie ait un peu de cohérence, ou en tout cas en a l'apparence. Et donc, de ce point de vue, qu'il n'y a pas de rupture, que l'institution n'a pas changé l'homme, qu'il sera fidèle à ses promesses, fidèle à ses amitiés, fidèle à ses engagements. C'est un impératif politique, au moins sur le plan de la gestion des apparences. Mmh. Après, évidemment, il faut voir comment tout cela subit l'assaut du temps et notamment l'action dissolvante de l'action publique. Ah oui, ça c'est toute la différence, parce qu'évidemment, on évoque les premiers temps de cette action publique, et on va continuer sur ce thème-là, mais évidemment, après l'état de grâce, on sait qu'il y a l'état de disgrâce qui n'est pas très éloigné, et qu'en quelques mois, tout cela peut se dissoudre. Perrine Kervran. Mais finalement, Olivier Hill, cette cérémonie d'investiture, elle est aussi issue d'un bricolage, on pourrait dire, et d'une somme d'héritages, que ce soit l'héritage de la monarchie, mais aussi celui de la Révolution, ensuite de l'héritage napoléonien. Finalement, c'est une accumulation. Complètement, et pour reprendre simplement l'exemple lors de cette cérémonie d'investiture des coups de canon qu'a évoqué Patrick Garcia à l'instant, les 101 coups de canon de la cérémonie monarchique qui sanctionnait la disparition d'un roi ou la naissance d'un dauphin, ont été transformés en 21 coups de canon. Alors pourquoi 21 ? C'est le choix du général de Gaulle. D'accord. Pourquoi pas 21 ? Pourquoi pas 21 ? Non, mais on peut poser la question. D'ailleurs, si certains de nos auditeurs savent exactement pourquoi ce chiffre de 21 a été choisi, ils peuvent toujours nous le communiquer. Alors, nous évoquions donc cette question de Nicolas Mariot, du rapport de difficulté donc entre proximité et puis ou solennité et puis de l'autre côté une certaine simplicité. Vous avez insisté sur la nécessité pour le président de montrer qu'il est à la fois le représentant de la grande patrie, mais aussi, il n'oublie pas d'être celui de la petite patrie. C'est toujours la même question, c'est-à-dire, petite patrie, c'est le tutoiement, c'est la tape dans le dos amicale de ceux qu'il connaît depuis 30 ou 40 ans, et puis la grande patrie, c'est le vouvoiement, c'est le respect, c'est tous les rituels liés au président de la République. Oui, c'est pour ça que les deux doivent toujours tenir ensemble, en quelque sorte. On ne supprime jamais ni les règles protocolaires qui nous sont le plus utiles. On ne peut pas s'en débarrasser complètement, ni de ce jeu constant entre petite et grande patrie. Pourquoi ? Parce que si on supprime un des deux pôles, eh ben on n'est plus en mesure soit de se rapprocher, soit de se redire et de se grandir. C'est pour ça que chaque fois que les chefs de l'État disent « je vais réduire le protocole », en fait, ils ne le font jamais vraiment. C'est pourtant ce qu'a déjà annoncé Sarkozy et sans doute ne le fera-t-il pas, on peut en prendre le pari. De toute façon, on l'évoquait ici même lundi avec André Gadot, le protocole n'a été transformé véritablement que deux fois, le président Falière, je crois c'est en 1907, quelque chose comme ça, exactement. Et puis le président Mitterrand, sous François Mitterrand, après il y a eu des aménagements au protocole, mais les deux grands toilettages du protocole, et puis évidemment le général de Gaulle en 1958, mais les trois grands toilettages du protocole par sur décret. C'est ça ? Par décret, oui. Oui, c'est cela. Donc, c'est donc assez peu de choses. Et alors, évidemment, à chaque fois, on peut rajouter quelque chose de neuf. Alors, si on en vient aux premiers actes, après ces moments comme ça de la journée d'investiture et des deux ou trois jours qui suivent, si on en vient aux premiers actes, on peut prendre l'exemple, par exemple, de Valéry Giscard d'Estaing. Il avait dit « je veux une présidente plus simple, plus proche des Français, le costume plutôt que l'habit ». Une photographie d'ailleurs dans les mairies qui change par rapport aux photographies du président Pompidou et du président Charles de Gaulle. Et évidemment, lorsqu'il donne ses premières décisions politiques, cela donne ça. La justice se réalise par deux séries d'actions. D'abord, des mesures immédiates qui ont pour objet d'améliorer les ressources des plus défavorisés. Et ensuite, un effort à plus long terme qui vise à transformer les structures de notre société. D'abord, les mesures immédiates. La première concerne les personnes âgées pour lesquelles le minimum vieillesse est majoré à partir du 1er juillet de 1100 francs par an. Ceci représente, par rapport à l'engagement que j'avais pris au cours de la campagne présidentielle, d'atteindre avant la fin de la première année de mon septennat un minimum de 20 francs par jour. Ceci représente donc le franchissement de la moitié de cette distance. La deuxième mesure concerne le SMIC. Le SMIC sera majoré à partir du 1er juillet prochain dans des conditions qui assureront un salaire mensuel minimum de 1213 francs par mois pour les travailleurs qui réalisent la durée moyenne du travail en France, qui est, on le sait, de 43 heures par semaine. Voilà, c'était le 19 juin 1974, et ça n'était pas Valéry Giscard d'Estaing, ministre de l'économie et des finances, mais ministre, président de la République en l'occurrence, qui évoquait les premières mesures prises par son gouvernement. Évidemment, on évoquait avec vous, Olivier Hill, la difficulté de maintenir un état de grâce, de faire en sorte que ces premiers gestes solennels se traduisent en soutien politique pendant un certain temps. C'est toute la difficulté à partir du moment où on reprend son rôle donc de choix politique, où on commence à dire « je préfère tel type de programme à tel autre », eh bien là, on commence à avoir des oppositions dans la rue. Et oui, c'est le sort de toute action politique, c'est de diviser. Dès que vous prenez une ligne de conduite, vous mobilisez un certain nombre d'opposants, vous suscitez des rancœurs, ce qui veut dire aussi que l'impératif pour chaque nouvel élu va être d'affirmer très vite sa détermination, son style, et cela passe par des mesures à caractère symbolique. On se souvient pour François Mitterrand, de la loi sur les nationalisations, l'abolition de la peine de mort, qui est entérinée dès octobre, le fait de créer les radios privées locales, le fait ensuite de créer l'impôt sur les grandes fortunes, voilà des gestes très forts qui montrent une orientation, qui signalent une optique générale. Mais peut-être même avant, dès le mois d'août, le 18 août, est promulgué, rappelons-nous, en 1981, une loi qui fixe le prix unique du livre. Et là, ce qui est en jeu est un point très important. C'est l'occasion pour le président François Mitterrand de dire que le capitalisme ne peut pas tout et qu'il est des obstacles nécessaires, que le livre ne sera pas une marchandise comme les autres, que la France est bien fidèle à sa vocation, entre guillemets, littéraire, culturelle, qu'elle restera bien engagée dans cette voie. Donc ces premières décisions donnent d'emblée le ton signale tout de suite comment l'action gouvernementale va s'orienter. Et on sait évidemment que c'est dans ces premières semaines que les images se fixent, se cristallisent, que les premières représentations de la justesse ou de la justice se définissent. Oui, d'ailleurs aujourd'hui, lorsqu'on évoque les deux septennats de François Mitterrand, souvent, une des décisions qui reste dans la tête des Français, c'est évidemment la question de l'abolition de la peine de mort, dont vous avez bien expliqué que c'était justement tout de suite après son élection qu'il avait mis en œuvre avec Robert Badinter cette interdiction. Périne Kervran. Oui, et d'ailleurs, pour revenir sur cette question de la peine de mort, il avait quelques jours après son élection, fait un acte assez symbolique en graciant Philippe Maurice avant même que la loi soit mise en place. C'est le pouvoir souverain qui s'exprimait là, le droit de grâce, qui n'est que peu républicain, il faut bien en convenir, mais qui lui permettait d'afficher tout de suite ses intentions et par un geste symbolique de fixer les esprits. Alors, une des premières intentions très marquées de Jacques Chirac lorsqu'il arrive en 1995, c'est la question des essais nucléaires. Donc après mûre réflexion, après large consultation, j'ai pris la décision, parce que je la considérais nécessaire aux intérêts supérieurs de notre nation, d'autoriser la fin de cette campagne d'essai, et cette décision est naturellement irrévocable. Irrévocable, donc ce nom est resté dans le souvenir de chacun. Décision irrévocable des essais nucléaires, on sait qu'il n'en a rien été, puisqu'ensuite tout ça, ça s'est arrêté l'année suivante. Il avait d'ailleurs annoncé, Jacques Chirac, que ça s'arrêterait dans le printemps de l'année suivante, en 1996. Mais donc un mois après cette décision de reprise des essais nucléaires, c'était une cérémonie aux Veldives, le 16 juillet 1995. Inter. Le discours de Jacques Chirac à l'occasion des cérémonies du 53e anniversaire de la rafle du Veldiv à Paris était très attendu, avec raison. Le chef de l'État a reconnu très explicitement ce matin la responsabilité de la France et de l'État français dans la déportation des Juifs au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Écoutez quelques extraits de son discours recueillis par Dominique André. Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. On verra des scènes atroces, des familles déchirées, les mères séparées de leurs enfants, les aînés, dont certains anciens combattants de la Grande Guerre avaient versé leur sang pour la France, jetés sans ménagement dans les bus parisiens et les fourgons de l'État, de la préfecture de police. La France, patrie des Lumières, patrie des droits de l'homme, la France terre d'accueil, terre d'asile, la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leur bourreau. Périne Kervran. Et là, ce qu'on peut voir aussi, c'est que finalement, non seulement il fait un acte très, très fort, mais finalement, il se démarque aussi des présidents précédents, puisqu'il revient sur cette notion qui a été communément admise aussi bien par les gaullistes que par Mitterrand, qu'il a affirmé pendant sa présidence, que finalement, Vichy, c'était aussi l'État français, Patrick Garcia. Oui, là, il y a une rupture mémorielle extrêmement importante. D'ailleurs, aujourd'hui, dans les journaux... C'est ce qu'on lui reconnaît. En plus, on peut dire qu'il s'est passé. Là, il y a une cohérence. On commence avec le Veldiv, on finit avec la cérémonie au Panthéon d'hommage aux justes. Entre-temps, il y a la mémoire de l'esclavage qui voilà, est passée par là. Il y a un travail sur l'histoire. Et je pense que c'est une des choses qui restera du septennat de Jacques Chirac. Du septennat et du quinquennat, rappelez-vous. Ça fait 12 ans. Absolument. On a là une cérémonie qui contraste effectivement avec la gestion précédente du passé. Et je veux dire, d'une certaine façon, ce qui est intéressant dans la perspective actuelle, quoi, dans ce moment où on est chaud, hein, la cérémonie va avoir lieu tout à l'heure, c'est qu'on a plusieurs cas de figure. On a la figure de Coty qui va au Mont-Valérien, la figure de Mitterrand qui réaffirme la réintroduction de l'histoire après un président de la République qui avait plutôt évacué l'histoire, hein, Valéry Giscard d'Estaing, pensait qu'il fallait avoir le souci de l'avenir et que l'histoire, d'une certaine manière, entravait le souci de l'avenir. Hein. On a eu donc des attitudes contrastées, l'attitude de Jacques Chirac, et on voit Nicolas Sarkozy entamer tout autrement, avec la cérémonie du plateau des Glières auquel faisait allusion tout à l'heure Nicolas Mariot, la cérémonie à laquelle vous faisiez allusion qui va avoir lieu au Bois de Boulogne, et qui, je pense, en tout cas j'en fais l'hypothèse, sera aussi accompagné d'un hommage à Georges Mandel, dont... Ça, c'est à Paris, de votre c'est part. À Paris, dont Nicolas Sarkozy est le biographe, et dont la stèle se trouve au Bois de Boulogne. Je serais très étonné que ça ne soit pas inclus, que ça ne soit pas une façon de se placer sous une figure éponyme de gauche. Bien évidemment, on voit bien ce que vous voulez dire. Olivier Hill, sur ses premiers gestes et ses premiers actes, donc là, en l'occurrence, deux types d'actes pour Jacques Chirac, la reprise des essais nucléaires d'un côté, et puis ce travail sur la mémoire et l'histoire du pays, donc tout de suite après. Alors, on a l'exemple typique d'un changement dans la continuité. L'expression était pompidolienne, mais Jacques Chirac la reprend volontiers à son profit. L'expression était, oui, de Valéry Giscard d'Estaing, peut-être, changement dans la continuité. Oui, non, elle était de Georges Pompidou. Elle était de Georges Pompidou. En 69, c'est ainsi qu'il ouvre son discours d'investiture, hein, qu'il se met sous l'autorité ou l'ombre portée du général, et ensuite qu'il exprime sa volonté tout de même de tenir compte des évolutions de la société. Mm-hmm. D'un côté, effectivement, l'affirmation de la grandeur de l'État à travers cette évocation des intérêts supérieurs de la nation qui l'oblige, qui rend nécessaire la décision de maintenir les essais nucléaires, aux grandes dames des voisins que sont la Nouvelle-Zélande, l'Australie, qui protesteront et qui déclencheront une campagne de presse très importante. Et de l'autre, vous avez une rupture avec le mythe gaullien, et peut-être aussi gaulo-communiste, de la France résistante, de l'immunité de l'État français dans les atrocités commises pendant la Seconde Guerre mondiale. Là aussi, vous avez un pas en avant, ou un pas de côté, par rapport à l'héritage qui était le sien, tout à fait intéressant, qui s'exprime à travers un discours, qui se réalise ensuite à travers un certain nombre de politiques mémorielles. On a là, en quelque sorte, les deux éléments qui définissent ce que sera l'action du premier président Jacques Chirac. Mais ces moments, ces actes posés comme ceux qu'on vient d'évoquer pour Jacques Chirac, ils ne peuvent être possibles que dans ces deux, trois premiers mois d'accession du président au pouvoir, ou est-ce que, parce qu'ensuite, comme vous le disiez tout à l'heure, Olivier Hill, il sera entravé par les obligations politiques, par les changements de l'opinion, par des données qu'il ne peut plus véritablement maîtriser, et donc là il se retrouve avec une fenêtre de tir relativement restreinte qui lui permet de placer comme ça quelques actes fondateurs. Ces actes ne sont pas possibles seulement dans cette période. Simplement, dans cette période, ils prennent une valeur spécifique, tout à fait particulière. Mmh. C'est dans ces 100 premiers jours... Parce qu'il y a une attente. Bien sûr, parce que ce sont les premiers moments, on attend de voir, la campagne est à peine close, qu'il faut évidemment donner des gages, montrer que l'on a bien compris le message dont on était investi. Toute l'attention est braquée sur vos premières décisions, il faut faire quelque chose. Vous êtes, en quelque sorte, au pied du mur. Et donc, les décisions, les déclarations, les positions que vous pouvez adopter vont être suivies avec une intensité tout à fait particulière. Par ailleurs, on le sait, l'équilibre politique est encore en cours de recomposition. Et donc, il y a là des opportunités, notamment vis-à-vis de ces puissances très conservatrices que sont les grands corps d'État, que vous ne pouvez plus traduire ou manifester par la suite. On a cru comprendre que pour la création d'un grand ministère, par exemple, qui regrouperait plusieurs corps d'État différents, à savoir les mines ou d'autres corps d'État de ce type, ou les ponts et chaussées, il y a quelques tensions à l'intérieur de ces corps d'État et quelques pressions qui sont faites pour éviter que ce ministère ne voit le jour, parce que ça compliquerait certaines destinées, disent certains. Disons que si le parallèle peut être fait, au moins sur le plan du style politique entre Nicolas Sarkozy et Valéry Giscard d'Estaing, on trouve de part et d'autre la volonté de secouer le cocotier, de bouleverser les habitudes acquises. Certains, en ce moment, ont des sueurs froides dans les directions de services centraux, l'administration centrale des ministères, puisque l'évocation de 15 ministères, évidemment, laisse envisager des départs ou des exclusions, ou en tout cas des situations inconfortables. Au moins des doublons sur certains postes qui nécessiteront de trancher entre ces deux mêmes postes, par exemple. Et puis c'est le cas, évidemment, dans les milieux de la culture, on l'a évoqué sur notre antenne depuis le début de la semaine, puisqu'il y a toujours cette idée qu'il y ait la possibilité de joindre le ministère de la Culture à un ministère plus important, qui serait celui au moins de l'Éducation nationale. Nicolas Mariot. Oui, oui, je voulais ajouter là-dessus sur la question du temps et de la durée. D'après ce qu'on entend, il est possible qu'on soit bien au-delà des traditionnels 100 jours, en particulier sur la question du service minimum dans les transports. Hein. D'après ce qu'on a entendu de la bouche des représentants syndicaux après leur première discussion avec Nicolas Sarkozy, ils ont laissé entendre que peut-être cette question ne serait tranchée, si elle est tranchée, qu'après de longues discussions à l'automne ou début 2008. Mmh. Donc ça peut être, ça laisse aussi augurer d'une certaine forme peut-être de confiance en soi du futur chef de l'État, parce que ça laisse beaucoup de temps, beaucoup de mois et de semaines qui vont se passer d'ici là, de longues discussions et de la place pour des opposants, évidemment. Oui, Olivier, en plus, on pourrait se poser la question de la symbolique des chiffres, parce qu'on parlait tout à l'heure du 21 pour les coups de canon, mais pourquoi 100 jours? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la référence? C'est... évidemment, historique, on la connaît, mais oui, pourquoi on a besoin justement de garder en tête comme cela des types de dates comme ça, ou des durées qui nous permettent de dire c'est réussi ou c'est raté. Il a passé, c'était le cas pour, il faut le rappeler, pour Dominique de Villepin lorsqu'il est arrivé à Matignon. On a dit, voilà, est-ce que ces 100 jours ont été réussis ou ratés? Et donc, à partir de ce moment-là, on décidait du destin politique de Dominique de Villepin. Patrick Garcia. Oui, mais je crois que la question, c'est de donner le signe symbolique d'un changement. Il faut rappeler quand même que quand Valéry Giscard d'Estaing est élu, sa première phrase, c'est: de ce jour date une ère nouvelle de la politique française. Ça, j'ai été étonné, j'ai lu ça dans votre article, je me souvenais plus de ça. C'était très important. D'ailleurs, Giscard d'Estaing, quand il revient dans les entretiens postérieurs sur son septennat, il insiste beaucoup sur les mesures qu'il a prises, et puis surtout le nouveau style qu'il a donné à la vie politique, la mise en conformité, en quelque sorte, de la vie politique avec la modernité. L'idée que à partir de son intronisation, puisque c'est le terme qui est quand même utilisé, eh bien, on rentre dans la modernité de plein pied. On est dans le contemporain, et ça, il en est extrêmement fier. Et donc, effectivement, on a bien quelque chose où on va donner des signes. Périne Quervent. Il avait d'ailleurs créé un secrétariat d'État aux affaires des femmes. Absolument, non, mais bon, on pourrait retrouver, là, il y aurait la loi Veil, hein, je veux dire. 75. Absolument, oui, bon, mais qui arrive tout de suite, l'humanisation des prisons, c'est aussi une des premières décisions qu'il prend, effectivement, qui montre comme ça une volonté. Et les gestes qui sont repris, qu'on a un peu oublié maintenant, mais qui avait été quand même un des grands moments de la presse humoristique, qui était la visite chez les Français, devine qui vient manger les ce simples soir. Gens. Les simples gens, oui, la visite des. L'invitation faite aux éboueurs de venir partager le petit déjeuner du président de la République. On avait là comme ça toute une série de gestes sur le style, et Valéry Giscard d'Estaing avait le sentiment que le style était essentiel. Olivier Hill. Oui, cette évocation est l'occasion de montrer que chaque président finalement tente, dans ses premiers jours, dans ses 100 premiers jours, de fixer l'ordre du jour et l'interprétation commune qui sera donnée de ces actes. Absolument. Ces 100 premiers jours, bien sûr, ils peuvent être placés avec Valéry Giscard d'Estaing sous le signe de la société qui se réforme, de l'écoute, de la réforme des mœurs, hein, d'un État qui n'est pas coupé de la société et qui, au contraire, participe de sa transformation. Avec Jacques Chirac, on l'a évoqué, la double dimension de l'homme d'État qui préserve les intérêts supérieurs de la nation, et ensuite de la figure qui est proche des gens et qui va elle aussi transformer la société. Avec Nicolas Sarkozy, on a le sentiment que c'est d'abord sur le terrain économique que l'engagement se fait le plus bruyant. Mais c'est-à-dire que l'avantage par rapport à d'autres présidents, c'est qu'il a déjà commencé avant même d'avoir été d'être entré en fonction, puisque ce qui est étonnant, c'est que cette semaine qui vient de s'écouler est déjà une semaine de président de la République, pourrait-on dire. Oui, avec cette petite caractéristique, hommage à l'inversion du calendrier oblige, que les législatives arrivent et que les signes qui sont donnés ne le sont pas seulement au titre d'une présidence de la République, mais aussi déjà comme en quelque sorte des promesses qui vont pouvoir être monnayées dans les circonscriptions par les députés qui se revendiquent de son patronage. Nicolas Mario, pour conclure. Oui, on a l'impression que les 100 premiers jours de Nicolas Sarkozy peut-être tendront plus à ressembler à ceux de François Mitterrand, évidemment côté droite, c'est-à-dire avec des formes peut-être pas de révolution, mais en tout cas de bouleversement plus important que ce qu'ont pu être évidemment les transitions entre le premier et le deuxième septennat de François Mitterrand, puis même avec Jacques Chirac, qui finalement n'a pas fondamentalement bouleversé les choses, en tout cas sur le plan des questions économiques. Merci Nicolas Mario. Je rappelle donc votre livre Bain de foule, publié aux éditions Belin, sur les voyages des présidents de la République, depuis Sadi Carnot jusqu'à nos jours, c'est aux éditions Belin. Les articles que vous avez publiés sur ces retours en particulier, c'est... Dans la revue Politics, qui sort ce mois de mai 2007. Absolument, on peut citer aussi Denis Fleur d'Orge, les rituels du président de la République dans la collection Sociologie au PUF. Pour l'article dont on a parlé avec vous, Patrick Garcia, il est à paraître dans un ouvrage collectif, oui, dirigé par Marie-Françoise Lévy. Et Evelyne Cohen, la télévision des Trente Glorieuses aux éditions du CNRS. Il paraîtra dans quelques semaines. Merci encore. Et pour ce qui est d'Olivier Hill, eh bien, on peut citer donc vos travaux sur la fête républicaine, mais vous avez participé aussi au dictionnaire critique de la République publié chez Flammarion, si je ne me trompe. Merci encore à tous d'avoir accepté donc d'évoquer ces rituels d'installation et ces premiers moments et ces premiers actes du président de la République lorsqu'il arrive. Pour demain, pas d'émission, puisque demain, nous sommes jeudi de l'Ascension, et donc il y aura à la place de la Fabrique de l'Histoire et des émissions du matin, les cultes, justement, et jeudi et vendredi, nous avons une émission spéciale puisque nous rediffusions notre émission sur de Perrine Kervran sur le 50e anniversaire des mythologies de Roland Barthes, vendredi matin. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonna Bolivier et Yaël Mandelbaum, les archivina choisis par Jeannette Pazirkowski, à la technique aujourd'hui Jacques Vincent, à la réalisation Christine Robert. Vous venez d'écouter La Fabrique de l'Histoire sur les passations de pouvoir, un épisode consacré au premier geste accompli par un président de la République après son élection, une émission diffusée le 16 mai 2007 sur France Culture, à réécouter sur franceculture.fr ou à podcaster pendant un an à la page des nuits.